Tu t'es tellement volé que t'as cogné le ciel. Avec lui tu voulais voler de tes propres ailes. Tu t'es tellement volé que t'as cogné le ciel. Mais rien n'est jamais acquis, jamais acquis, jamais acquis. Rien n'est jamais acquis, jamais acquis, jamais acquis. La force est mon poison numéro. Il va payer. Avec toi il ne voulait pas s'engager. Il va payer. Il t'a planté un couteau dans le dos. Il va payer. Il a mis ton cœur dans un cendrier. Il va payer. Aujourd'hui tu ne peux plus l'oublier. Aujourd'hui tu ne peux plus l'oublier. Il voulait juste déshabiller. Il voulait juste déshabiller. Aujourd'hui tu ne peux plus l'oublier. Aujourd'hui tu ne peux plus l'oublier. Lui voulait juste déshabiller. Matiné pendant des heures, il va payer. Il a même parlé à ta petite sœur. Il va payer. Toi t'es perdu quand tu sens son odeur. Il va payer. Tu n'as plus de solution, maintenant tu pleures. Il va payer. Aujourd'hui tu ne peux plus l'oublier. Aujourd'hui tu ne peux plus l'oublier. Il voulait juste déshabiller. Depuis le début, lui il faisait semblant. Lui il faisait semblant. Et depuis le début, lui il faisait semblant. Lui il faisait semblant. Depuis le début, lui il faisait semblant. Lui il faisait semblant. Et depuis le début, lui il faisait semblant. Lui il faisait semblant. Mais rien n'est jamais acquis. Jamais acquis. Jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Jamais acquis, jamais acquis. Wouh! Abidjan, Yopougon, Yamsoukro. Rajvé. Gagnon, c'est lui. C'est Végétué. Satchelatché.